J'aime le moi, j'aime mon père, j'aime ma mère et tous mes frères de la terre. J'aime ma femme, j'aime mon frère, j'aime ma mère et tous mes frères de la terre. Nique ta mère, si tu m'as fait un coup de travers, je ne t'aime pas, mon frère. J'aime mon quartier, les choses qu'on peut raconter, qu'on peut faire. Même s'il n'y a pas grand chose à faire, on a le flair pour les affaires. On a la haine depuis tout jeune, les savonnettes du seum pour se remplir le portefeuille. Certains nous portent l'œil, d'autres pleurent un deuil seul. Sur le seuil de la mort couvert d'un linceul, on se construit seul, on s'instruit peu, on nuit un peu. Au fond, qu'est-ce qu'on y peut? On s'ennuie comme quand il pleut. Faut nous comprendre, on fait ce qu'on peut. On nous taxe sans jamais rien nous rendre. Envie de servir, envie de prendre. Fini d'attendre la main, j'aime pas l'attendre. De nos jours, qui est tendre? Vont nous entendre. C'est pour mon gars Ross. On rêve de Cendrillon dans un carrosse. C'est pour mon gars Ross. C'est pour mon gars Ross.